derrière à Aiguilla. Aiguilla vers Crosby. Alors donc 4 à 4 et là l'attaque des Patriots sont quand même tirés au bout et le but. Incroyable. 5 à 4. Original de l'avant. Parle de plus, c'est long et c'est capté. Julien Ferli file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rougeur. Scott are newlyweds. Whoopity-doo! He loves her, but she loves this guy right here. And he loves somebody else. You just can't. Bon matin tout le monde, bon matin de Trois-Rivières et bienvenue à l'Inconduite de partie, l'émission qui... En Saint-Valentin. Ouais, avec un extrait de Chanteur de noces. Ben nous, Chanteur de noces, là, qui se défoule, là. Adam Sandler, c'est dans ce moment-là. Hein, on dit, on est, très bon film. C'est une émission de sport et sport et amour font rarement bon ménage. Ouais, sport et amour, ce matin, moi et toi, Nicolas, on est en tête à tête avec l'absence de Philippe. L'absence de Philippe, donc Marc-Antoine Lavoie, la voix que vous entendez. Marc-Antoine Lavoie, la voix que vous avez entendue, que vous entendez plutôt. Je suis déçu que t'as pas dit la voix sensuelle avec... ouais. C'est pas avec toi que je sors. Ah. Mais c'est ça, hein, on dit souvent, il y a des veuves de hockey, des veuves de chasse. Donc, ce matin, on est des veuves de Philippe Doucet, là, vraiment, là. Ouais. Donc, c'est pour ça. On y va avec un peu, là, une petite émission, pas très, très thématique, mais quand même, on va parler de sport et très peu d'amour, comme toujours. D'ailleurs, cette semaine, à l'émission, aujourd'hui, plutôt à l'émission, on va parler des Patriots qui ont connu une très bonne fin de saison du côté du hockey. Une bonne fin de semaine aussi au côté du soccer, on va parler aussi, bon, hockey junior majeur du Québec, la Ligue de hockey, les Cataractes, tout ça, on va parler de ce qui s'est passé en fin de semaine. On va aussi parler du comité de sélection de la Coupe Memorial qui visitait Shawinigan vendredi. On va parler avec Jonathan Roberge de l'Hebdo de Saint-Maurice, savoir quelles ont été ses impressions et qui met-il favori parmi les quatre villes en candidature. On va parler aussi hockey en Mauricie. On va toucher un peu à la violence dans le hockey Ligue nationale. Oui. Sans trop aller à la profondeur, mais on semble-t-il que... Mario Lemieux, qui n'est pas content. Ah ben Mario, tu sais, c'est ça Mario Lemieux, là. Il nous l'a dit dans un français cassé, en plus, qui était pas content. Ouais. Et on va parler basketball collégial, les problèmes de NASCAR, si on était avec JP Grenier, live de Sherbrooke. Mais pour l'instant, il va à la musique. Petite chanson cochonne, pour commencer le matin. Damien Robitaille avec la chanson « Mot de passe ». Vous êtes à l'écoute de l'Inconduite de partie sur C'est fou. Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? La femme sont faites pour se faire les yeux doux. Et comme je suis un homme et toi une femme, ce soir je tente le coup. Je cogne à la porte de ton champ de vision, mais personne n'est là, personne ne répond. Tes yeux restent fermés et tu me dis accès refusé. Je ne voudrais pas te surprendre, mais j'ai un porte-clés sur la lampe. Mille mots, lesquels veux-tu entendre? Donne-moi donc un indice, je veux goûter aux délices. Oh, oh, oh, quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Quel est le mot de passe? Yeah! L'homme et la femme sont faits pour faire l'amour. Et comme je suis un homme, et toi une femme, je dois te faire la cour. Je sonne à la sonne de ton cœur, mais il n'y a personne à la demeure. Tu me tentes toute la nuit et tu me dis accès interdit. Je veux ramollir ton cœur de roche, je vais sortir ma langue de ma poche, trouver les mots qui nous rapprochent. Je veux te faire des défaits. Donne-moi le code secret. Oh, oh, oh, quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe pour passer la nuit avec toi? Quel est le mot de passe? Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe et je vous suspends tout. Écoutez l'hymne national! L'inconduite de partie. Damien Robitaille avec la chanson Mot de passe. Écoutez, écoutez, on y va avec les Patriotes de l'UQTR, Université du Québec à Trois-Rivières, bien sûr. Ils disputaient deux matchs en fin de semaine, un vendredi, un samedi. C'était pas facile, là. On disputait trois matchs en quatre soirs du côté des Patriotes, avec le dernier match, celui de mercredi dernier, contre les Stingers de Concordia. Et vraiment, là, l'infirmerie là, du côté des Patriotes est remplie, là, présentement. Je vous fais la liste là, des blessés dans pas très long. Vous allez voir que ça va, c'est très difficile. Mais on se devait de... au niveau du classement, là, présent, Marc-Antoine, avant les matchs de fin de semaine, on est en position pour... On est maître de notre destin du côté des Patriotes. On doit battre et Carlton et Ottawa si jamais Carlton n'emporte Concordia le samedi, si on veut gagner la deuxième position, avoir l'avantage des séries jusqu'à la finale de division. Alors, les Patriotes, premièrement, affrontent Carlton, un match de 4 points, c'est le cas de dire dans ce cas-ci. Et les Patriotes ont probablement disputé leur meilleur match de la saison avec des effectifs réduits. Là, écoute, on avait à peu près... je pense qu'on avait 4 joueurs de moins là, dans l'alignement là, que de l'autre côté, que Carlton. Un match magnifique, magnifique, magnifique là, du côté des Patriotes. On l'a emporté 4-1. Les buts là, dans la victoire, le sommaire, bon, c'est Jonka qui joue du super hockey là, présentement. Là. Il a dérangé les Ravens tout le match. Petite peste, mais capable de la mettre dedans. Il les a mis en furie. Alors, Jonka, son quatrième plutôt en première période à 12 minutes 40, les aides à Breton et Robichaud. En deuxième période, c'est David Chabot-Maltais qui fait son premier de la saison, les aides à Petit et Desjardins. Ensuite, c'est Bam du côté de Carlton qui met la marque 2-1. Les aides à Deagle et Taylor. En deuxième période, toujours encore Jonka, son deuxième de la saison. Les aides à Chiquan, son deuxième plutôt du match. Les aides à Chiquan et Bellevance Martin à 10-32. Et à 19 minutes 25, un but un peu crève-cœur là, du côté de Carlton. Même si on est en deuxième période, il fait mal. C'est Olivier Donovan, son 14e. Les aides à Petit et Chiquan. Troisième période, pas de but. Jean-Christophe Blanchard qui tient fort avec 23 arrêts sur 24 tirs. Vraiment, là, je te parlais des un excellent match, là, le meilleur match de la saison du côté des Patriotes. Par contre, ça s'est terminé un peu dans la tumulte. Oui, avec un joueur qui a dirigé la rondelle vers le banc des joueurs. Oui, ben c'est ça, entre autres. Et vraiment, là, ça a commencé avant. Disons, là, Alexandre Demers, qui était assis. Alex est vraiment un gars qui aime qui est habile pour dérager l'adversaire plutôt avec sa voix. Et il s'en est donné à cœur joie. Demers, genou présentement, là, pas en état de disputer des matchs ou pas bien même capable de mettre de la vitesse et de la sur son genou. Bon ben Alexandre était assis au bout du banc et se faisait aller la trappe sur le banc envers le banc de Carlton, qui est seulement une vitre. Il y a seulement une vitre de différence entre les deux bancs. Et à un moment donné, durant la période, il y a un joueur, durant la troisième période, alors que ça allait mal, on était très frustrés du côté de Carlton. C'était coup vicieux après coup vicieux. Il y en a un qui a décidé d'envoyer un coup de poing à Demers de l'autre côté de la baie vitrée. A été éjecté de la partie. Ensuite, bon, du côté des Ravens, il y a un joueur là, qui restait à peu près plus de temps au match, a décidé de diriger un lancer directement sur le but des, sur le banc des Patriotes. Quelque chose qui, je l'espère, va être puni. Là, on va envoyer la vidéo à la Ligue du côté des Patriotes. A touché le coach. C'est Jacques Laporte, l'entraîneur, qui a reçu la rondelle sur lui. Jacques a ramassé la rondelle et l'a lancé sur le joueur de Carlton. Jacques Laporte a été éjecté du match. Ouais, et donc, il s'est mérité une suspension. Suspension. Il aurait pu aller en appel, mais avec les séries qui débutaient, il a décidé de rester sage si jamais la décision était refusée. Ouais, ben c'est ça. Là, on a préféré, un match de série, on a préféré payer tout de suite que payer plus tard. Les Étoiles dans ce match. Donc c'est ça. Ici, on se rencontre entre les Ravens et les Patriots en série. Ça sera pas très beau si, admettons, les quatre meilleures équipes au classement remportent leur match. Les Ravens et les Patriots vont s'affronter. Ça sera pas très beau. Les Étoiles dans ce match, c'est Jean-Christophe Blanchard, le gardien, la première, puis Alexandre Jonca, la deuxième, et Charles Carré, la troisième. Le lendemain du côté des Patriots. Hey, je te parlais des blessures, je te fais la liste avant de faire le match contre Ottawa. Voici la liste de tout ce qu'on peut trouver à l'infirmerie du côté des Patriotes. Francis Charland, contusion. Steve Belfleur, une commotion. Il est fini pour l'année. Dave Nolin, commotion. Dave Nolin n'aura disputé qu'un match cette année. Commotion, c'est terminé pour lui. Philippe Saint-Laurent, commotion aussi. Emmanuel Boudreau, c'est l'épaule, terminé pour l'année. Pierre-Luc Lessard, contusion sur un tir violent dans le dos lors de la partie contre Carlton. Ça a l'air qu'il crachait du sang, donc il sera pas de l'alignement. Probablement contre les Stingers mercredi. Là, je donne des punchs, là, mais en tout cas. Pierre-Luc Lessard, Maxime Fréchette, là aussi, là, le défenseur, lui aussi, c'est l'épaule. Et bien sûr, bon, Alexandre Demers, on le sait, pas vraiment en état. Il devrait pas disputer des matchs, mais Alexandre Demers, même avec deux genoux dans le plâtre, il pourrait jouer comme son entraîneur l'a dit. Le lendemain, là, du côté des Patriotes, on affronte Ottawa ici même à Trois-Rivières. Et c'est un match qui est important. Si on l'emporte, je peux tout de suite vous dire que Carlton l'a emporté contre Concordia, donc on se doit absolument de l'emporter. Et c'est ce que les Patriots vont réussir à faire par la marque de 3-2. On a travaillé fort en défensive. On semble, là, du côté des Patriots, voir une nouvelle identité, là, du côté des Patriots. On se donne beaucoup plus et on joue un jeu en défensive beaucoup plus serré. On bloque des tirs, on coupe des passes. On a vraiment du succès dans le jeu. Dans le jeu défensif, et ça se voit sur la patinoire. Jean-Christophe Blanchard reçoit bien peu de tirs dangereux, et quand les chances de marquer sont là, il réussit à bloquer les tirs. Donc, félicitations à toute l'équipe. Le sommaire dans ce match, c'est Félix Petit qui ouvre la marque, et Félix Petit va être très, très, très soulagé. Écoute, Félix n'avait pas marqué depuis le 26 novembre, si je ne me trompe pas. Donc, c'est son cinquième de la saison. À quelques côtés son but, il a levé les bras dans les airs, et il avait l'air du gars le plus soulagé au monde. Les aides à Donovan et Desjardins, c'était tôt en première période. En deuxième période, Laroche, au quatrième de l'année, Marc-André Laroche. Les aides à Chabot et Lévesque à 7 minutes 47. Par contre, du côté d'Ottawa, on va répliquer très rapidement. Carl Arlen en avantage numérique. Les aides à Méthode et Blain en avantage numérique. Et en fin de première période, de deuxième période plutôt, c'est Mathieu Méthode, son 15e. Les aides à Blain et Arlen. Donc, Blain et Arlen vont... Et Méthode, là, c'est le gros trio là du côté des GGs, et vraiment, ça s'est vu là, dans ce match-là. En troisième période, à la suite d'un beau jeu, c'est Guillaume Chicoine qui obtient la rondelle à la défensive. Le but est libre. Il prend un tir. Félix Petit va juste la faire dévier dedans, un beau tépin. Et c'est son sixième d'année. Donc, Petit, après ne pas avoir marqué pendant au moins une dizaine de matchs, et plus même, en fait deux dans ce match-là, très content de son côté. Les aides à Chicoine et Donovan, c'est un but à désavantage numérique, donc vraiment, là, on a été les Patriotes, le désavantage numérique des Patriotes cette année n'a pas été un succès. On était jusqu'aux dernières nouvelles, là, j'ai pas regardé ce matin, on était à l'avant-dernier rang de la Ligue. Et là, avec en fin de semaine, un but comme ça, un but victorieux en désavantage numérique, c'est une belle façon, on a vraiment travaillé pour aller le chercher. Les étoiles dans cette partie, c'est Félix Petit, la première étoile, Mathieu Méthode, la deuxième, et Jean-Christophe Blanchard, la troisième. Donc, avec ce match-là, officiellement, écoutez, je te parle, Marc-Antoine, là, du nombre de joueurs qui étaient en alignement, on a pu habiller seulement 14 joueurs d'attaque du côté des Patriotes. Avec les deux gardiens, ça fait 16 joueurs. Philippe Bronsard, qui a pas joué à la défensive depuis ad vitam aeternam là, de son côté. Mais qui est évolué, à la base un défenseur. A évolué à la défense dans ce match. Et c'est pas mal débrouillé là, du côté de Bronsard. Là, malgré ses quatre, il a écopé de 4 minutes de pénalité. Là, c'est pas mal débrouillé là, pour un gars qui est rouillé un peu. Mais là, pour les séries, est-ce qu'on prévoit un petit retour de quelques renforts? Ben là, c'est ça. Je vais te parler des séries. Écoute, avant de parler des séries et tout, on va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte. Suite à ce match contre Ottawa, donc Jacques Laporte, je lui ai demandé comment il avait vu ce match-là là, du côté du match contre les GGs. Écoute, on a une semaine extraordinaire. On voulait comme objectif de ramasser 3 victoires pour espérer finir deuxième. Notre sort est entre nos mains. Avec les effectifs réduits qu'on avait, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment finir en force pour être le mieux préparé pour les séries. L'objectif est atteint, ça c'est certain. Trouves-tu que tu me parlais avant le match là, d'une nouvelle identité défensive, là, une identité qui est plus qui pourrait vous amener plus loin en série vu que beaucoup de canons qui sont hors jeu présentement. Je pense qu'on l'a vu à soir, ça a bien été, puis on va devoir continuer comme ça. Oui, ça c'est certain. Écoute, quand t'as une A47 dans les mains, tu sais partout, tu te poses pas de problème. Quand t'as un revolver, tu veux dire, dans le sens qu'il y a effectif réduit comme on a là, tu t'organises avec ce que t'as, puis ce qu'on a, on l'a utilisé pour l'exploiter au maximum. Les gars ont bien réagi dans toutes les situations de match, puis notre gardien de but est droit comme une flèche, c'est ainsi, fait que ça l'aide aussi. Donc c'était Jacques Laporte suite à ce match contre les GGs d'Ottawa, la victoire. Et là, je te parlais aussi pendant le match, Philippe. Ben écoute, on parlait de nouvelle identité, je pense que je parlais de ça. Là. Oui. Jacques Laporte le confirme en effet là, qu'on est une nouvelle équipe là, du côté des Patriotes. Un joueur qui est très soulagé là, de sa performance, c'est Félix Petit, là, 2 buts alors qu'il n'a pas marqué depuis longtemps. On va aller écouter les commentaires de Félix. Je lui ai demandé justement, ça doit faire du bien, là, doit être soulagé, Félix. Voici ce qu'il avait à dire. Félix, un gars soulagé, je suis pas mal sûr. Ouais, ça fait du bien, surtout je souhaitais que ça se mette à rentrer avant la série. Là. Surtout 2 games de même. Là. Pour nous autres, c'était pas mal des games de série parce qu'on aurait pu finir 4e comme 2e. De jouer 2 gros matchs là-dedans, puis de voir comment l'équipe s'est comportée. Chaque gars était vraiment en mission. Chaque gars avait un rôle plus important. Puis tout le monde c'était PA plus, si je peux dire. Je sais pas comment compter ça. Mais... La série commence la semaine prochaine. On sait pas encore ça va être contre qui. Je regardais les 2-3 derniers matchs. Vous avez une attitude qui est différente au niveau du jeu défensif, au niveau de... Il y a beaucoup plus de blocs. On bloque beaucoup plus les tirs. On rentre en série avec ça, avec une séquence de victoire. Comment qu'on voit ça? Je pense que tu as très bien résumé ça. On s'est rencontrés après... Ça fait environ ça, 3 matchs justement. On a eu un bon meeting ensemble, on s'est tout parlé. Je veux pas, la saison n'a pas été vraiment comme on a voulu. Là. Les attentes sont grandes, puis ça fait quand même 4 ans qu'ils ont des bonnes saisons, qu'on a des bonnes saisons, puis qu'en série, il n'y arrive à rien. Fait que ça veut absolument rien dire. Mais depuis ce meeting-là, tout le monde s'est parlé. Puis dans le fond, avec les 2-3 comme série, il reste quoi, 5 semaines peut-être là. Puis on s'est dit, 5 semaines à faire des sacrifices. Chacun va se dédier d'un pratique, d'un match. On est vraiment en mission là, jusqu'à la fin, puis depuis 3 games, ça paraît vraiment. On a vraiment des gros blessés qui manquent, en plus des gros joueurs qui manquent. Puis chaque gars, comme tu dis, hier à Carlton, c'est assez incroyable, là, les 5 contre 3, on bloquait des shots, puis c'est beau à voir. Là. C'est très beau à voir même, là, je dirais, là, Félix pourrait s'en permettre, parce que les Patriots jouent du hockey inspiré présentement. Donc au classement final, après 28 matchs, la saison est terminée, bien sûr, McGill dans l'Est remporte le championnat de ligue avec 5 points d'avance sur Western, qui évolue dans l'Ouest. Deuxième position, c'est les Patriots avec 39 points devant Scarton d'un maigre point. Au troisième rang, Nipissing vient au quatrième rang avec 1 point de retard sur Carlton. C'est là qu'il y a une scission qui se fait, une Cooper. Au cinquième rang, Queens ont 8 points de retard sur Nipissing. Toronto, 6e, Concordia, 7e et Ottawa, 8e. Donc, en séries éliminatoires, et ça, dès mercredi, les Patriots vont affronter les rivaux de Montréal, les Stingers de Concordia. Et je pense qu'on est content là, du côté des Patriots d'affronter Concordia parce que si les Stingers l'ont remporté hier soir contre McGill, on affrontait Toronto. Vu que plus que 350 km entre les deux villes, on aurait, au lieu de faire un 1-1-1, on aurait fait un match le mercredi à Toronto, un match ici vendredi et un match ici samedi. Alors que là, ça va être l'inverse. Donc, moins de voyagement parce qu'on doit décoller le mardi, l'hôtel, on revient tard dans la nuit, c'est beaucoup de voyagement. Donc, à la place, ce qu'on va avoir, bon, ben, c'est un match mercredi ici, 17h, 19h au Colisée de Trois-Rivières. Vendredi prochain, c'est à Concordia à 7h30, si je me méprise pas, si je me trompe pas, si je me méprends pas, plutôt. Et, samedi, si un match, ultime et nécessaire, samedi ici au Colisée de Trois-Rivières. Donc, vraiment. Et, le jus, j'espère qu'on a encore du jus dans le tank du côté des Patriotes, parce que on se donne beaucoup là ces temps-ci, mais la clé en séries éliminatoires, ça va être Jean-Christophe Blanchard, et ça tombe bien parce que là il joue du maudit bon hockey là. On l'a critiqué beaucoup cette année. Ouais, on pensait même que la Montagne allait prendre le filet au courant de la saison. C'est finalement c'est passé bien proche là. Ouais. Et vraiment là, Jean-Christophe qui joue du hockey inspiré. Je me suis entretenu avec Sébastien Charpentier, qui est l'entraîneur des gardiens. Charpentier vous dit peut-être quelque chose comme nom. Il a déjà gardé les buts pour les Capitals de Washington. Il est présentement dans la Ligue nord-américaine avec le Marquis du Saguenay. Donc, j'ai posé quelques questions sur Jean-Christophe Blanchard. Jean-Christophe est un gars qui a du potentiel, qui est assez extraordinaire. Puis, moi, en arrivant ici, ça paraissait un petit peu que les gardiens de l'organisation, ils ont pas eu beaucoup d'encadrement côté entraînement, côté technique de gardien de but. Fait que pour moi, c'était la première étape de corriger des choses techniques, puis vraiment d'exploiter le potentiel de chacun. Je veux dire que Jean-Christophe, je pense que l'adaptation s'est faite super bien. On n'a pas eu de détails majeurs à corriger. C'est vraiment un petit ensemble de choses qui redonne une confiance, qui redonne vraiment un petit boost, briser la routine qui s'est installée dans les trois dernières années, qui est ici, qui n'a pas eu vraiment de coach de gardien. Fait que je pense que c'est un petit ensemble qui a fait que ça, le résultat. Présentement, on est bien content. Le match aujourd'hui, je suis encore bien content de ce que je vois. Fait que c'est bien satisfaisant. Donc vraiment, là, c'est très satisfaisant là, du côté de Jean-Christophe Blanchard. On espère que ça va se continuer de son côté. Donc, ma prédiction là, pour les séries, Patriotes en 3. En 3, il faudrait pas qu'ils se rendent en 3 à toutes les séries, non, avec ça, les blessures. Ça, hein. C'est sûr, là, mais Patriotes en 3. Les Stingers sont une équipe qui est difficile à jouer à domicile là-bas à Montréal, au Ed Meager Arena. Et j'ai l'impression que ça va faire une victoire pour les Patriotes ici, une victoire pour Concordia à Montréal et samedi prochain, une victoire pour les Patriotes. Je sais pas si t'as une prédiction, toi? Ben, personnellement, j'aimerais bien en 2, mais 2 matchs à Trois-Rivières, ça serait bien aussi avec samedi. Ce serait bien aussi de voir des gens se rendre à... Ouais. C'est les séries. Ce serait bien que les étudiants encouragent leur équipe pour les séries, tout de moins. Ouais, très bien dit, Marc-Antoine. Hey, on change totalement de sujet là parce que je me rends compte que notre segment Patriote s'étire un petit peu du côté de hockey. On va maintenant parler de soccer. Les Patriotes qui disputaient 2 matchs en fin de semaine, c'était contre l'Université Laval, autant du côté des hommes que des femmes. Et du côté des hommes, ben on y a été d'une performance magistrale. On l'a emporté 2-0 contre la meilleure équipe de la Ligue, le Rouge et Or de l'Université Laval. Les buts, c'est Émile Dufault-Galland et Guillaume Mainville qui se sont inscrits à la marque. Vincent Guécoté a tout arrêté, les 8 tirs des joueurs de Laval, alors que son opposant Vincent Cournoyer a accordé 4 buts, 2 buts plutôt sur 6 tirs. Donc, félicitations aux Patriotes. Avec ce match-là, du côté du classement, on est présentement, du côté des Patriotes, on est au 4e rang. C'est extrêmement serré. Laval, Lucam et McGill sont tous à égalité au 1er rang avec 8 matchs. Par contre, McGill a un match de moins disputé que Laval et Lucam, tout comme l'UQTA. Donc, la fin de semaine prochaine, on va disputer un match. L'UQTA, la semaine prochaine, c'est contre Concordia, qui sont derniers dans la Ligue, toujours sans victoire. Et la semaine d'après, c'est contre Sherbrooke, qui sont avant-derniers dans la Ligue. Le 1er rang est à la portée, décider vraiment à la portée des Patriotes, et ça va très bien pour eux là, dans cette saison intérieure. Du côté des filles, on a subi la défaite par la marque de 4-3. Par contre, on n'a pas grand-chose à se reprocher là, du côté des filles. 4-3 contre l'Université Laval. On est revenu de l'arrière aussi. On perdait 4-1 en première demi. Deuxième demi, revenu en force avec 2 buts. on a tenté le tout, mais finalement, ça s'est terminé 4-3. Ça n'a pas été assez, là, mais c'est une bonne performance, là, quand même. Les buts, là, pour les Patriotes, c'est Jessica Lavallée à deux reprises et Mélanie Soulard à une reprise. Isabelle Sénécal a amorcé le match, là, du côté des Patriotes. Elle a disputé 45 minutes, a accordé les 4 buts. Elle a fait 11 arrêts. Stéphanie Rousseau est venue la remplacer et elle a accordé aucun but, fait 11 arrêts. Donc, très bon pour elle, très bonne partie. Là, du côté du classement, chez les femmes, Lucutière est en 6e position. C'est un petit peu moins serré, là. 6e position, on est à égalité avec Laval, qui est au 5e rang. Et Concordia est en avant 2 au 4e rang avec 7 points. Ensuite, Sherbrooke, Montréal et McGill sont difficiles à rattraper. Eux qui ont beaucoup d'avance au niveau des points. Donc, on va aller à une pause. Au retour, on parle d'hockey junior majeur avec Jonathan Roberge, l'hebdo de Saint-Maurice. Vous êtes à l'écoute de La Conduite de partie sur C'est fou. C'est fou dans vos oreilles. 89.1. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedepartie.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, les Cataractes de Shawinigan ont tenu le coup hier soir pour finalement vaincre les Tigres de Victoriaville par la marque de 4-3. Ryan Cavanagh a été le meilleur pointeur du duel avec une récolte de 3 aides et a obtenu la première étoile. Gabriel Girard a pour sa part effectué 38 arrêts. À Saint-Jean, maintenant, les Sea Dogs sont revenus d'un déficit de 2-0 face aux Wildcats de Moncton pour finalement l'emporter en fusillade 3-2. C'est une 11e victoire consécutive pour Saint-Jean. C'est tout le contraire du côté d'Halifax alors que les Voltigeurs de Drummondville ont réussi à une poussée de 5 buts consécutifs pour triompher 5-3 et infliger un cinquième revers de suite aux Mooseheads. Les Voltigeurs, pour leur part, obtiennent une 3e victoire de suite. Dans la Ligue nationale, maintenant, les Rangers de New York pouvaient mettre fin à une série de 6 défaites en accueillant les Pingouins. La partie s'est terminée en faveur des Rangers par un pointage de 5-3. L'équipe de Mario Lemieux quitte donc New York sur une note négative, eux qui avaient subi la défaite 9-3 contre les Islanders vendredi soir. À Détroit, les Red Wings viennent aider la cause du tricolore en stoppant les Bruins pour une deuxième fois de suite par la marque de 4-2. Avec cette défaite, les Bruins n'ont pas réussi à s'éloigner du Canadien, eux qui ont seulement un point d'avance au classement sur Montréal avec 69. À Edmonton, maintenant, Jonas Seeler s'est moqué des Oilers en réalisant un jeu blanc, ce qui a permis aux Ducks de vaincre Edmonton 4-0. Et Seeler a seulement eu à bloquer les 12 rondelles dirigées vers lui pour obtenir son 5e jeu blanc de la saison. Au tennis, maintenant, Milos Raonic a remporté son premier tournoi de l'ATP. Il a triomphé en 2 manches de 7-6 face au 9e joueur mondial Fernando Velasco à l'Omnium de San Jose. Cette victoire lui permettra de faire un saut du 84e rang mondial jusqu'au 59e. Au soccer, maintenant, selon un quotidien brésilien, Ronaldo annoncerait sa retraite aujourd'hui. L'agent de Ronaldo, Fabiano Farah, a refusé de confirmer ou d'infirmer cette information, mais a confié à un média local que c'était une possibilité. Il y aura une conférence de presse cet après-midi pour commenter la nouvelle. Et finalement, au sport universitaire, les Patriotes Soccer étaient en action hier contre le Rouge et Or de l'Université Laval. Ce fut une victoire pour les gars qui ont fait taire l'attaque du Rouge et Or en blanchissant 2-0. C'est la première défaite en 5 parties pour Laval. Du côté des filles, les QTR n'ont pas réussi à revenir de l'arrière face à Laval qui avait l'avance 4-1 en première demi. Les Patriotes sont revenus en force en deuxième demi avec 2 buts, mais la partie s'est finalement soldée par un pointage de 4-3. Les deux équipes iront affronter les Stingers de Concordia en fin de semaine prochaine. Voilà, c'était nos informations de l'inconduite de partie.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Bonjour, je suis Michel Bonneval, vous écoutez l'inconduite de partie. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'inconduite de partie. On s'est tapé un peu de Arcade Fire, eux qui ont remporté album de l'année hier du côté des Grammys. Donc Arcade Fire, Arcade Fire qui joue partout à travers la planète, sauf probablement au Québec. Ouais. Sauf à C'est Fou et quelques autres radios qui osent jouer de la musique comme ça. Et il se joint avec nous directement de Shawinigan, Jonathan Robert. Ça va bien, Jonathan? Salut les gars. Salut. Salut. Hey Jonathan, on va y aller tout de suite parce que l'émission avance rapidement comme toujours, on manque de temps. Je lisais tes textes sur l'hebdo du Saint-Maurice. On a eu une grosse journée du côté vendredi dernier. Ben après, bon, premièrement, on a eu un gros match la veille contre Drummondville qui s'est terminé par un score de 3-2. Le lendemain, on recevait le comité de sélection du côté de la Cité d'énergie. Et comment t'as trouvé ça, là, l'accueil qu'on a réservé au groupe? Ah, ça a été une journée complètement folle, là. Ça a débuté très tôt le matin. Bon, on va se comprendre par très tôt, là. pour plusieurs, c'est pas très tôt, mais avec l'heure qu'on s'est couché avec le match en jaune de la veille, c'était tôt. À 10h le matin, tout le monde qui était rassemblé dans le stationnement du Centre Bionès pour accueillir un petit peu le comité Janto. Alors, il y avait quelques centaines de partisans habillés en jaune, très, très bruyants, là, qui ont manifesté leur appui à la candidature de la Coupe Memorial 2012 à Shawinigan. Immédiatement après ça, le comité Janto qui est retourné une deuxième fois à l'intérieur du Centre Bionès pour terminer la visite des installations, le directeur des loisirs de la ville de Shawinigan, Robert Desjardins, qui leur a fait une démonstration complète des facilités du Centre Bionès. Il y a le maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque, qui a livré un discours là durant lequel il mentionnait que la Coupe Memorial, c'est pas seulement l'affaire de Shawinigan, mais l'affaire d'une région en entier, que Trois-Rivières souhaitait cette Coupe tout autant que Shawinigan. Alors, c'est un peu ce qui a été fait à l'intérieur du Centre Bionès. Ensuite, tout le comité s'est déplacé à Espace Shawinigan pour voir vraiment les installations, parce qu'on a su quelque chose plus tard dans la journée. Il y a des surprises qui s'en venaient pour Shawinigan. Alors, on a vu les installations là-bas et on a fait le tour, là, un petit peu la Cité de l'énergie, etc. Au terme de la journée, tout le monde était extrêmement confiant dans le camp des Cataractes. Réal Breton qui nous a confirmé plusieurs choses, notamment que le Temple de la renommée du hockey de Toronto va tenir une exposition à Shawinigan durant les deux semaines de la Coupe Memorial. Bien sûr, c'est l'événement présenté ici. Alors, dans la présentation complète, on était... je pense que tu n'étais pas là, toi, en 2008? J'étais au Monde. Non, oui, je sais. T'étais pas dans l'entourage de l'équipe. Est-ce qu'on t'a parlé un peu des différences dans la façon de procéder entre 2008 et 2011? Non, en fait, on est resté vague là-dessus. Toutefois, ce qu'on a mentionné, c'est que toutes les lacunes qui ont été soulevées par la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont été corrigées. Toutefois, c'est pas tellement dur à comprendre. En 2008, on a présenté des plans d'amphithéâtre en disant « Voici ce à quoi ressemblera le futur amphithéâtre Shawinigan. » Cette fois-ci, on est basé sur du solide, on a du tangible, on leur fait visiter les installations et on dit « Regardez ce qu'est le Centre Bionès, voici ce qu'on peut vous offrir à l'intérieur du Centre Bionès. » Maintenant, malgré la grande commodité de cet amphithéâtre-là, il y a encore moyen d'améliorer le tout. On compte augmenter la capacité des sièges à 5500 si jamais le Centre Bionès et les Cataractes obtiennent la présentation du tournoi de la Coupe Memorial. Alors, en gros, là, c'est 1000 places de plus. Bien sûr, il y en a des debout, mais on compte ajouter là, environ 500 sièges là, dans les coins si jamais la Coupe Memorial est octroyée à Shawinigan. Dans les grandes entrées, dans chaque coin qu'on peut trouver, là, je pense que c'est ça, c'est dans ces coins-là, tu veux dire? Oui, ben pour ceux qui sont familiers là, avec le Centre Bionès, on parle des sections Robert Ferré-Métis, des sections des jardins, si je ne m'abuse aussi. Et puis vers la gauche de la galerie presse, là, il y a une autre section près des loges. Là. Donc c'est un peu à cet endroit-là là, qu'on veut augmenter les sièges. Bref, dans les quatre coins, peut-être à l'exception de la zone fusée, on n'en a pas mentionné là, lors du point de presse. Ça donnerait de la gueule un peu au Centre Bionès en plus. Oui, ben, et puis ça va augmenter la capacité assise pour le tournoi de la Coupe parce que c'est le but premier. Comme l'a mentionné le maire Angers, à partir de ce moment-là, si Shawinigan fait le mouvement pour augmenter la capacité à 5500 personnes, là, il n'y a plus grand-chose à envier à l'amphithéâtre de Saint-John. Oui, Saint-John, que les Sea Dogs peuvent... je sais pas si tu sais par cœur comment ils peuvent accueillir de personnes ou... Non, j'ai pas la documentation. Je suis en pleine recherche là, présentement. Là. Donc, enfin, le Harbour Station, rapidement, là, peut te donner pour le hockey 6200. on va peut-être rajouter quelques places. Mettons, on arrondit ça à 5000, ça reste quand même relativement près, là, à 2000 places. Est-ce que tu as l'impression que, parce que, officiellement, là, je pense qu'on a, y a pas rien à se cacher là-dessus, ça va être entre St. John's et Shawinigan. Ton opinion là-dessus, est-ce que Saint-Jean part avec une avance ou du fait qu'ils ont un plus gros aréna ou ça va être une question de mentalité? Très difficile à dire. On a posé à la commission, la question au commissaire Gilles Courteau, parce qu'on se souvient tous là qu'est-ce qui s'est passé au repêchage de 2009 à Moncton. Ouais. Pourquoi les Sea Dogs seront dans le coup l'an prochain? Pourquoi les Sea Dogs seront si dangereux? C'est grâce à des joueurs comme Pierre Durepos, Jonathan Huberdeau, qui se bat présentement pour la tête des pointeurs dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ces joueurs-là avaient mentionné à chacune des équipes de la Ligue qu'ils tourneraient le dos à la Ligue de hockey junior majeur du Québec et à la dernière seconde se sont présentés à Moncton pour le repêchage et ont enfilé l'uniforme des Sea Dogs. Alors plusieurs disent là, que St. John doit maintenant payer pour avoir trafiqué le draft de 2009. Maintenant, Gilles Courteau, lui, a mentionné que ce n'est pas à lui de commenter là-dessus, que la commission est là, le comité indépendant est là pour poser les questions. Ils n'ont aucune limite, qu'ils peuvent poser les questions qu'ils veulent et que c'est pas à lui de rappeler qu'est-ce qui s'est passé. Alors là, évidemment, on a relancé Gilles Courteau à savoir s'il y aura un malaise. Advenant le cas où les Sea Dogs soient choisis pour la Coupe Memorial. Et lui a même pas voulu répondre à la question. Il a dit, est-ce qu'il va avoir un malaise si Shawinigan n'est pas choisi deux fois de suite? Est-ce qu'il va avoir un malaise si Halifax n'est pas choisi pour une deuxième fois de suite? Donc, c'est des hypothèses et puis je répondrai pas sur des hypothèses. Et voyez, visiblement, là, Gilles Courteau avait vraiment hâte de changer de sujet. Du côté de Saint-Jean, on est désavantagé par ça parce qu'on a rendu un peu tout le monde mal à l'aise. D'autre côté, le fait que les Cataractes sont en contention, là, sont dans le concours là, pour une deuxième fois consécutive, ça pourrait venir les aider. Ah ben tout à fait. Et puis faut dire que la première fois, oui, on parlait du Centre Bionnet qui était sur les plans, mais aussi on parlait d'équipes sur la patinoire. On disait que les Cataractes ne seraient pas équipés pour participer au tournoi de la Coupe Memorial. On se souvient de la suite. Ils étaient à environ un beau petit but ouvert à gracieuseté Cédric Lalonde-McNichol qui avait raté ce filet ouvert-là de participer justement à la Coupe Memorial en tant qu'équipe championne de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors cette fois-ci, je pense qu'on prend la candidature des Cataractes au sérieux à ce niveau-là. Martin Mondou qui a promis de mettre une équipe compétitive sur la patinoire et le travail a déjà été amorcé au dernier repêchage en échangeant les Charles-Olivier Roussel et compagnie pour aller chercher de l'avenir, pour aller chercher des joueurs qui seront bien là en 2012. À tout ça, c'est greffé d'autres joueurs intéressants comme Peter Sakaris et puis Ryan Cavanaugh lors de la dernière période des transactions. Alors l'an prochain, ce sera vraiment le meilleur trio de 20 ans de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, position par position, avec Girard devant le filet, Cavanaugh à la ligne bleue et Cazavant à l'attaque. Bon, on allait même dire ça, là, du côté, tu parles d'avenir, l'avenir commence à se pointer, là, ça va très bien du côté des Cataractes présentement. Et justement, le soir, on disputait un match contre le junior de Montréal, alors que je pense que le comité était plus là, était parti de Shawinigan, mais quand même, on a pu voir les performances des joueurs quand même à distance et ça va bien, là, ça s'est bien passé contre le junior. Oui, ben ça s'est rendu jusqu'en fusillade, ça a été un bon match du début à la fin et puis à nouveau, c'est Sakaris en tir de barrage qui a donné la victoire aux Cataractes avec ces fameux head fake, disons que comme on l'a mentionné là, heureusement que c'est pas dans la Ligue nationale de hockey que les adversaires étudient tous les bandes vidéo aussi pointues que ça. Sakaris qui a été de la même feinte là qu'il avait fait face aux Voltigeurs en tir de barrage. Et puis à nouveau là, ça a fonctionné pour lui, donc il a donné la victoire aux Caps. Et puis face aux juniors de Montréal, c'est Labrecque finalement là, qui a marqué immédiatement après Sakaris pour donner les devants aux Caps et puis la victoire. Alors vraiment, ça a été un beau spectacle face aux juniors de Montréal. À nouveau, Louis Leblanc qui a été très, très, très tranquille. Et Charles-Olivier Roussel, lui, a essayé d'épater la galerie un peu face à ses anciens partisans. Et puis ça s'est terminé deux fois dans le banc des punitions et ça a entre autres coûté un but. D'ailleurs, tu me parlais de Dave Labrecque plutôt. Autant il a connu un mauvais début de saison, t'es pas du genre à tout le temps, ne travaillait pas à tous les matchs. Qu'est-ce qui explique là, son revirement de situation? Il est présentement, écoute, il vient d'être nommé joueur de la semaine pour la deuxième semaine d'affilée. C'est un Labrick totalement transformé qu'on voit là du côté de Shawinigan. Oui, ben, au niveau des étoiles, son règne est terminé. Ce matin, on a annoncé les trois étoiles dans la Ligue de hockey junior majeure du Québec et Labrick n'y figure pas. Il y a Sean Couturier, entre autres, là, de mémoire. J'ai pas mes courriels devant moi. Je sors ça dans deux secondes. Ah, t'es une machine. Ah, je le sais. Ah, je l'ai toujours dit. Incroyable. Joël Champagne, la première. Sean Couturier, la deuxième. Et Gleason Fournier, la troisième étoile. Incroyable. Ça pour dire que Labrick, il y a deux choses qui viennent expliquer ça. Il y a la sortie de Martin Mondeau, là, qui l'a challengé publiquement via les médias. Et il y a également le contrat professionnel qui lui pend au bout du nez, qu'on le veuille ou non. Là, ça passe sous sa case pour Dave Labrecque au cours des prochains mois. Il avait un contrat, une offre de contrat l'an dernier. Sa blessure à l'épaule est venue ralentir le tout. Maintenant, sans offre de contrat, dernière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il décevait énormément depuis le début de la saison. Alors pour lui, là, s'il voulait espérer faire un bout de chemin dans la Ligue américaine l'an prochain, ça devait d'avoir une bonne fin de saison. Et là, en ce moment, là, il semblerait que Labrecque ait compris finalement là, ce qu'il devait faire. S'alimente mieux, s'entraîne bien. Et puis, soir après soir, on présente l'effort et le deuxième effort sur la patinoire. Et puis, les résultats se font sentir. En effet. Ben, je te remercie beaucoup, Jonathan. Salut, bonne semaine. Et on peut lire tes textes sur l'hebdo-du-Saint-Maurice.com. Hebdo-Saint-Maurice.com du Saint-Maurice, j'ai un petit blanc. L'hebdo-du-Saint-Maurice.com. Merci beaucoup, Jonathan. Salut, bonne semaine. Bonne semaine. Salut. Alors, c'était Jonathan Roberge, l'hebdo du Saint-Maurice. Et on va continuer avec les Cataractes. Ils étaient en action hier du côté de Victoriaville. Et c'était un match un peu bizarre là, du côté des deux équipes. Même du côté des Cataractes surtout. Là, Victoriaville a connu un bon match. Ne sort pas avec la victoire. Les deux points se dirigent vers Shawinigan dans une victoire de 4-3. Mais 41-25, les Tigres, Gabriel Girard qui a connu un très bon match. Mais tu connais le hockey, Marc-Antoine, t'as déjà joué un match où rien fonctionne, la rondelle bondit pas pour nous. Certains disaient ouais, la glace n'était pas dans un bon état, mais la glace n'était pas glace, dans un bon état pour les deux équipes là. Et on a brassé la cage, on est passé très près là, du côté de Victoriaville d'aller chercher la victoire. Le sommaire de ce match, tout d'abord, Shawinigan débute très fort. Samuel Haddad, en première période, à 13 minutes 32 en avantage numérique, vient mettre le marqueur à 0. Peter Sakaris en rajoute pour mettre ça 2-0 à 15 minutes 22. Toutefois, voici Victoriaville qui réplique alors qu'il restait moins de 3 minutes à la première période. Philippe Mayen inscrit son 27e de la saison. Les aides à l'ancien Cataract, Étienne Saint-Germain et Guillaume Nau. En deuxième période, encore Victoriaville à l'attaque. Guillaume Goulet fait son 25e de l'année en avantage numérique aussi. Donc c'est 2-2. Troisième période, Anton Zlobin et Yannick Veilleux vont venir mettre la marque 4-2 et finalement Guillaume Goulet. Alors ça c'est tôt en troisième période. Guillaume Goulet qui vient faire son 4-3 avec son 26e de la saison, son deuxième du match. Mais malheureusement là, du côté de Victoriaville, on n'aura pas pu compléter la remontée et on doit s'incliner par la marque de 4-3. Les étoiles dans ce match, bon ben c'est Ryan Cavanaugh, on en parlait tantôt. Cavanaugh qui joue du bon hockey présentement. Guillaume Goulet et Anton Zlobin. Vois-tu là, Cavanaugh depuis son arrivée avec les Cataractes a présentement 18 points en 17 matchs. Il continue sur sa lancée, ce qu'il connaissait comme succès avec l'Océanique de Rimouski, lui qui avait amassé 42 points en 40 matchs. Donc, ça va être un joueur hyper important pour les Cataractes l'an prochain. On va avoir trois excellents 20 ans, comme on a dit, là, du côté des Cataractes. Probablement trois des meilleurs, comme Jonathan a dit. On va aller écouter les commentaires de Éric Veilleux suite à ce match. Donc, on a demandé à Éric Veilleux. Éric, deux matchs très émotifs contre Drummondville, contre Montréal vendredi avec le comité de la Coupe Memorial, puis tout ça, les joueurs qui avaient été, on leur en a demandé beaucoup de se présenter à l'aréna, de serrer les mains, tu sais, de vendre le hockey à Shawinigan. La préparation est pas pareille. Est-ce que ça se pourrait qu'on ait manqué un peu d'émotion dans ce match-là? On est arrivé peut-être moins près et moins concentré sur ce match-là. Donc, on va aller écouter les commentaires de Éric Veilleux. Alors, ce ne sera pas bien long. Ben là, on n'entend rien, là. Je sais pas ce qui se passe. Écoute, on va voir. En attendant, on va voir si ça fonctionne. On va aller écouter Benjamin Cazavant. Là, on s'en va dans un voyage du côté des Cataractes. On s'en va en voyage dans les Maritimes la semaine prochaine. On va affronter au total, là, on va disputer 4 matchs. Je te dis l'horaire des matchs, là. Ça va être Cap-Breton mercredi, Moncton vendredi, Saint-Jean, les Sea Dogs samedi et Acadie Batters le dimanche. J'ai donc demandé à Benjamin Cazavant, c'était quoi les objectifs pour ce voyage? Ben là, c'est sûr que on veut créer des gros matchs, t'sais, surtout arriver là prêt pour jouer. Juste retrouver la chimie dans le fond entre les gars, puis jouer, travailler fort, là, avoir des grosses games là, intenses. Donc, jouer des grosses games intenses, pas nécessairement, c'est sûr qu'on veut toutes les remporter, les matchs, mais ça sera pas nécessairement facile, mais on veut, là, du côté de l'équipe, aller chercher, tu sais, encore plus souder l'équipe ensemble pour arriver avec quelque chose de solide pour les séries, parce que je pense que les Cataractes sont présentement au cinquième rang et ont ce qu'il faut pour aller jouer du hockey en sandales. Qui va se mettre à faire chaud, qu'on va être rendu au mois de mai. On peut se rendre jusqu'en finale de division, si tu veux mon avis. Écoute, du côté du classement, les Sea Dogs, toujours premier, bien sûr, imbattable, et je pense que ça va être l'équipe qui va se rendre... 11e gain hier. Ouais, c'est ça, 11e gain d'affilée. Si tu veux mon avis, là, les Sea Dogs devraient être l'équipe qui va aller à Mississauga pour affronter les autres équipes de la Ligue canadienne de hockey. Oui. Par contre, on ne sait jamais, du hockey de série, c'est du hockey de série. Le Junior de Montréal vient en deuxième position, les Remparts en troisième et finalement les Vultures de Drummondville en quatrième position. Les Cataractes sont à maintenant 6 points des Vultures, mais on a 3 matchs en moins, donc c'est faisable, on est capable. Avec 3 victoires de suite, on vient rattraper les Vultures et les Cataractes disputent de l'excellent hockey. Et on va aller écouter justement, bon, je parlais d'Éric Veilleux tantôt, on va aller écouter là, ses commentaires suite à ce match. Je répète la question que j'avais posée, qu'on avait posée. Est-ce que après tant d'émotions, lors des deux derniers matchs, on est arrivé un petit peu moins, le terme anglais, focus? Là, et parce que le match hier était un petit peu endormant, si j'ai cru comprendre. Ouais, ben endormant et c'était pas du bon hockey, c'était pas... Donc, on va aller écouter les commentaires d'Éric Veilleux. Non, je pense pas honnêtement. Aujourd'hui, ça roulait pas pantoute, le numéro 1. Là. On a fait des turnovers en entrée de zone là, que on ne tuait pas que c'est la palette de l'autre, manquait le chip, forçait. T'sais, en première, juste seulement, je pense qu'il y en a 8 en entrée de zone. Là. Fait qu'à la place d'attaquer et d'utiliser notre force qui est en zone offensive, on backcheckait, faisait des sorties de zone au moins 8 fois à cause de ça. Là, c'est des erreurs mentales, des petits détails. C'est certain que oui, ils ont mis leur palette dessus. Sauf qu'on ne s'est pas bien appliqué à envoyer la rondelle dans le bas de zone. Ça, c'est numéro un. Pour moi, c'est un point positif. C'était juste le trio Labrec qui fonctionnait depuis quelques temps. Là. Aujourd'hui, il y a des gars qui ont pris la relève. Zobin, Honda de Marquis. Zobin a joué, je pense, son meilleur match depuis un bon petit bout. Là. Dans son cas, c'était important, celui-là. Là. Ah ouais? Je pense que oui. Il y avait un ultimatum ou... C'était là. Ça faisait du bien. Je suis content pour lui. Je suis content pour lui. D'ailleurs, Wayne Sakaris, c'était le temps que ça débloquait un petit peu parce que on a connu... À son arrivée à Sakaris, c'était un petit peu plus difficile du côté de Shawinigan. Surpris. Dernièrement, là, depuis plusieurs semaines, là, ça allait pas très bien. Il a descendu trio et présentement sur le troisième trio. Un autre qui a descendu aussi, c'est Maximilien Le Sieur avec l'arrivée de Sakaris. C'est venu chambouler les cartes. Le Sieur qui obtient pas mal moins de temps de glace. Donc c'est ce qui fait qu'on du côté de Sakaris, on s'attend un peu plus de lui. Mais c'est un petit peu plus difficile. On va espérer que ça débloque pour lui bientôt. Donc, c'est ce qui conclut un peu notre chronique junior majeur. Peut-être juste une petite nouvelle du côté des Voltigeurs de Drummondville. T'en parlais tantôt, Marc-Antoine, les Voltigeurs qui l'ont emporté hier contre les Moussettes 5-3, alors que les Moussettes menaient 2-0. Drummondville a répliqué avec 5 buts d'affilée. Vachon, Dion, deux fois, Mathieu et Lars Lundin, tous en deuxième période, sauf ben, les deux premiers buts en deuxième période, les trois autres en deuxième période. Les deux premiers buts en première période, les trois autres en deuxième période. Et Travis Randall en troisième du côté d'Halifax est venu compter, mais ce n'a pas été assez, bien sûr. Pierre-Antoine Dion, Jean-Philippe Mathieu et Martin Freck, les trois étoiles. La victoire va à l'affiche de Dominic Graham. Ça va très mal du côté des Moussettes, le cinquième revers de suite. Oui, c'est une des raisons pourquoi ils n'auront pas la Coupe Memorial, si tu veux mon avis, ouais. Du fait qu'ils n'ont pas une très bonne équipe. Même chose pour Cap-Breton. On se doit d'avoir une équipe extrêmement performante sur la glace pour représenter la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ça va une pause au retour. On va parler un petit peu probablement hockey à Mauricie ou on va parler de hockey. Je vous dis pas de quelle sorte, on vous garde la surprise pour après la pause. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. C'est fou dans vos oreilles. 89. No!

trois accords avec la chanson Croquer des coups, c'est tiré de leur dernier album. On va maintenant parler de hockey en Mauricie du côté des Dragons du Collège de la Flèche. Ils disputaient un match cette fin de semaine. C'était contre Sorel-Tracy. C'était hier. Et on a connu Sorel-Tracy là, présentement au deuxième rang de la Ligue. On connaît des très bonnes performances là, de leur côté. Félicitations aux Dragons qui l'ont emporté par la marque de 7-4. Les buteurs, là, entre autres, très bonne performance là, du côté d'Étienne Jutras, le défenseur qui a deux buts. On peut parler aussi d'autres joueurs là, qui ont connu. Écoutez, les buts pour Sorel-Tracy, c'est Jutras, Garceau, Francis Garceau, Benoît Marcoux, Étienne Jutras, bon, son deuxième, bien sûr, Julien Tanguay. Julien Tanguay, c'est du côté de Sorel. Nathaniel Gourdeau, Sorel aussi, Alex Poirier en deuxième période. Et en troisième période, Alex Poirier, encore une fois, suivi de Gabriel Fleurant. Et finalement, sur la tracée, on comptait deux buts là, en fin de match. Nathaniel Gourdeau, son deuxième du match, et Jérémy Verville, ce qui a mis la marque 7-4. Mais c'était donc 7-2. On sort très fort la victoire vers la fiche d'Olivier Manta. Et très, très bonne performance. Les étoiles du match, Alex Poirier, Mathieu Nolin et Nathaniel Gourdeau du côté de Sorel. On a pu lire ce matin dans le Nouvelliste la partie Les Rebelles de Sorel-Tracy. Ils portent bien leur nom. Normalement, lors de la période d'échauffement, on a chacun une trentaine de rondelles pour chaque équipe. Et ils ont commencé à se tirer aucune rondelle. Finalement, Sorel-Tracy a envoyé 5 rondelles du côté des Dragons. C'est peut-être ça qui a donné une énergie un petit peu, on va se venger aux Dragons pour finalement l'emporter 7-4. Quand même un fait cocasse. Des fois provoqué, jouer avec le feu, ça peut être payant, mais dans ce cas-ci, on a couru après, puis on le paye. J'avais dit Sorel-Tracy était en deuxième position du classement, c'est pas vrai du tout. Ils sont en première position là, du côté de Sorel-Tracy. Le classement, on a 40 points là, du côté de Sorel. Champlain, Saint-Laurent vient au deuxième rang avec 35 points. Saint-Laurent à 34, Talma à 34 points, La Flèche à 32 points. C'est extrêmement serré là du côté de la Ligue collégiale du Québec. Alma et Saint-Laurent avec 34 points sont au deuxième rang. Oui, mais ont deux matchs en main sur La Flèche a deux matchs en main sur ces deux équipes-là. On est capable de remonter là du côté des Dragons. Et les séries s'en viennent, là, ça va être des 2-3. Là. Il doit pas rester une tonne de matchs là, dans la Ligue présentement. Là, je pense que d'ici la fin du mois, ça se termine. Si je ne me trompe pas, je vais juste aller vérifier. Non, on a des matchs là, du côté au mois de mars. On joue environ un match par fin de semaine là, d'habitude. Là. Donc on va jouer. La saison se termine le 20 mars. Et ensuite, on va avoir les séries qui vont débuter des 2-3. On joue à peu près 38 games, là, 38 matchs là, du côté des Dragons du Collège de la Flèche. On va passer d'une ligue à une autre dans la Ligue nord-américaine de hockey. Le Caron Aiguille était en action hier du côté du Colisée de Trois-Rivières. C'était contre Saint-Georges. Et c'était une victoire de grosse victoire là, contre le Cool FM. 8-4 du côté du Caron Aiguille. Dans cette victoire, on peut parler de la performance du côté de Trois-Rivières. Excellente performance de la part de Simon Laliberté, Steve Larouche avec 3 points, Marc Bocage, meneur de la Ligue, c'est pas pour rien. 2 buts, 2 passes hier, 4 points. Luc Manville aussi, des ruisseaux, plusieurs joueurs avec 2 points, mais vraiment Larouche, Laliberté et Bocage ont été les meilleurs du côté des Trifluviens. Les étoiles, Steve Larouche, la première étoile, Marc Bocage, la deuxième, et Danny Roussin du côté. Danny Roussin, qui avait fait la pluie de beau temps du côté de l'Océanique de Rimouski dans le temps de Sidney Crosby, obtient la troisième étoile du côté de Roussin. On a un tour du chapeau, 3 points, 3 des 4 buts du Cool FM. La victoire vers la fiche de Danny Dallaire, la défaite vers la fiche de Frédéric Deschênes. Et c'est quand même une victoire importante là, du côté du Caron Aiguille, parce qu'au niveau du classement, je pense que tu peux nous dire ça, Marc-Antoine. Au niveau du classement, ok, donc je vais le dire d'abord. avec cette victoire, le Caron Aiguille est maintenant à un seul point de l'isothermique de Thetford Mines, qui sont au deuxième rang de la Ligue, et ils devancent d'un point le Saint-François de Sherbrooke. Et en plus, le Caron Aiguille a un match en main sur le Saint-François. Le Cool FM de Sherbrooke, de Saint-Georges-de-Beauce, premier dans la Ligue avec 51 points, ont donc subi la défaite contre le Caron Aiguille. Le Caron Aiguille aussi qui rendra un hommage au numéro 44, David Thibault. Son chandail sera retiré dimanche prochain lors du match contre Telford Mines. Donc, dimanche prochain, j'aimerais ça te dire, c'est contre qui? Contre Telford. Contre Telford Mines, ouais. Ok, ouais, excuse-moi, tu viens de le dire. Pas de problème. Un blanc au cerveau. Et du côté du Cap-de-la-Madeleine, les Estacades étaient en action. Toutefois, ils se rendaient à Lévis pour affronter les Commandeurs. C'est une victoire. Donc, félicitations aux équipes de Trois-Rivières en fin de semaine. Oui, très bien été. Les quatre équipes, Coron-Aiguë, Patriotes, Dragons et les Estacades sortent tous avec minimum 2 points de la fin de semaine. Donc, les buts du côté des Estacades, c'est Maxime Saint-Cyr en première période, tout comme Samuel Landry. En deuxième période, Pierre-Olivier Grandmaison vient mettre la marque, vient faire le point, mettre la marque 3-1. Et en troisième période, Lévis ont tenté de revenir dans le match avec un but de Charles Poulin et Yannick Boucher. Donc, c'est 3-2, mais Maxime Saint-Cyr, alors qu'il restait moins d'une minute au match dans un but désert, va venir compter son 36e de la saison. La victoire va à l'affiche de Forcier du côté des Estacades. Les étoiles, Gabriel Forcier, justement, première étoile du côté des Estacades. Pourquoi Lévis a décoché 39 tirs, seulement 2 buts. Félicitations à Gabriel, grosse performance. Maxime Saint-Cyr, la deuxième, et Yannick Boucher, la troisième. Donc, c'est ce qui conclut pour les activités du hockey en Mauricie. En Mauricie à Trois-Rivières, devrais-je dire. On va aller à la musique, on va aller écouter de leur album live, leur album en direct. Les Vulgaires Machins avec la chanson La chasse est ouverte. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Oh, attention! Birdie! Incroyable! Renversant, superbe! C'est un, dans son cas là, c'est un 5e consécutif, un 7e pour l'équipe. Incroyable. L'inconduite de partie. Regardez sa réaction, il n'en revient pas. Du Yann Machin avec la chanson « La chasse est ouverte ». Marc-Antoine? Oui. La folie semble s'être emportée de la Ligue nationale dernièrement. les Bruins de Boston qui allaient contre les Canadiens de Montréal, les Bruins de Boston qui sont amusés aussi avec les Red Wings de Détroit, les Islanders de New York deux fois plutôt qu'une contre les Pingouins. Oui, mais la foire est prise. Là, la deuxième fois, c'est ils ont peut-être voulu venger leur gardien Di Pietro qui blessé combien de temps est-ce que t'as les Je joue pas les fiches, mais Di Pietro quand il se blesse, c'est rarement pour moins que 6 ans. Ouais, donc, en plein ça. Tu sais, t'as un masque. De tous les endroits où est-ce que Rick Di Pietro n'était pas supposé de se blesser lors de son combat contre Brent Johnson, ben non, je dis, quand t'es gardien, le seul endroit que t'es pas supposé de te blesser, c'est dans le visage. Et tu réussis à te blesser comme ça. Ça me fait penser à la blessure de Pascal Leclerc qui avait reçu une rondelle sur le bord de la mâchoire. Une rondelle perdue là, qui était sortie au banc, qui avait manqué 4 semaines à cause de ça. Là, quand tu parles de bad luck, ça, c'en était une aussi. Ouais. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'agitation là, du côté de la Ligue nationale dans les derniers jours. Et Mario Lemieux s'est plaint hier là, comme quoi on avait très mal géré la situation du côté de la Ligue nationale. Oui, on l'a peut-être un petit peu mieux géré que lors du match Canadien-Bruins. Par contre, on a Goddard et Gillies et Martin qui sont suspendus lors du match des Islanders contre les Pingouins. Seulement 9 rencontres pour Gillies et Martin. 4 rencontres. Mario Lemieux qui a réagi en disant que ça n'a aucun bon sens. La Ligue devrait prendre... Je sais pas si t'as écouté le match ou t'as vu les faits saillants. C'est difficile de pas voir les images. Ouais, ça méritait... Il faudrait que la Ligue nationale pose des sanctions. On n'est pas une ligue de garage. On n'est pas le Caron Aiguë, si on veut. C'est pas une ligue de garage, Caron Aiguë, mais la Ligue nationale... Ligue, c'est une ligue qui est connue pour sa robustesse. C'est ça. Et Mario Lemieux qui est même allé jusqu'à dire si la Ligue nationale continue à réagir de la sorte lors de ces événements, il pense sérieusement s'il mérite sa place ou s'il doit rester dans cette ligue. Ça, si tu veux mon avis, là, c'est juste du chantage. Ouais. Parce que du côté de Lemieux, ça va pas bien là, du côté de Pittsburgh. Crosby ne jouera pas jusqu'à... En tout cas, il y en a pour quelques semaines encore, selon ce qu'on semble nous dire. Malkin est terminé pour la saison. Le temps, on a passé bien près de le perdre dans ce match-là aussi, qui a été durement frappé. Du côté de Lemieux, là, on tente de sauver la face un peu avec les effectifs qui nous restent. Il a manqué Stade aussi pour une bonne partie de l'année. On n'est pas proche de la première position là, du côté des Pingouins. On a été sorti très rapidement dans les séries l'an dernier, on se souvient par qui. Et là, on a un nouvel aréna, mais là, j'ai l'impression que Lemieux là, tente encore de faire jouer. Déjà que les Pingouins reçoivent beaucoup de favoritisme de la part de la Ligue, on tente d'aller en chercher plus. Mais la Ligue n'a pas vraiment réagi... en faveur de Lemieux, la Ligue qui a répondu selon RDS, nous sommes très confortables avec la façon dont les événements de vendredi ont été gérés. Nous n'avons rien d'autre à ajouter par rapport aux déclarations de Mario Lemieux, a précisé Dali Campbell. Voyons, j'ai juste Craig Campbell, ça c'est son gars. Attends, je sors ça. Cali, hein? Cali non? Cali? Oui, Cali. Kelly? Kelly? Bill Daly, tu veux dire? Daly, Tom. Ouais, c'est Daly. Daly. Daly. T'as de la misère avec ton accent maintenant? Oui. Non, j'ai de la misère avec mes yeux. Ouais, ah, ok, aussi. Donc, c'est ça. Bill Daly qui répond ça. Le commissaire, l'adjoint au commissaire Bill Daly. C'est arrivé sur plusieurs batailles, sur un petit laps de temps, dans plusieurs matchs, plusieurs événements. Ce qui fait que là, ça donne une image à la Ligue, mais. Pas sûr qu'on ait ça tant que ça. Excuse, mais le lendemain, là, dans les chaumières, sur le bord de la machine à café, qu'est-ce que ça parlait après le match du Canadien? Des batailles et du match vieux Garden. Du vieux Garden, c'est comme dans le temps. On parle souvent que certains matchs manquent d'émotion, puis je veux pas que ça vire en foire tout le temps comme ça. Non, c'est ça, parce que là, on a des joueurs, on essaie de rendre un jeu rapide, un jeu, on a enlevé les accrochages, c'est ça, pour avoir plus de buts. Et là, ça se transforme en grande foire de qui a les meilleurs points et non au niveau du bâton, et plus au niveau des mains. Donc, tu sais, c'est de voir, là, du côté du Canadien, on en a mangé une. Certains parlaient d'aller chercher un matamor, quelqu'un de plus fort, mais pas nécessairement. Tu sais, je veux dire... Combien d'équipes peuvent brasser le Canadien comme on s'est fait brasser là, dernièrement? Dans l'Est, il y en a deux. Là. Ouais, on avait peur contre Toronto, finalement. Toronto, ça s'est bien déroulé. Ça s'est très bien déroulé, 3-0. 3-0, un match parfait là, du côté du Canadien. Et c'est sûr que Toronto non plus, c'est pas une grande équipe, mais on sait que du côté des Maple Leafs, on s'amuse tout le temps à jouer les doubles fêtes. Oui, on a une belle rivalité entre les deux équipes depuis plusieurs saisons. Ouais, ben, depuis pas mal de plusieurs jours, saisons avec là, plein de S. Tu peux dire, ouais, ça, tu peux y aller à décennie, même si tu veux. Et on a connu un bon match. Tu sais, je veux dire, on a rebondi. Contre les Islanders, c'était plus difficile jeudi parce que je pense qu'après un match à côté d'émotion, oui. Comme le disait Jonathan Bernier, là, un match à côté d'émotion, c'était difficile de rebondir de ça, là, du côté du Canadien. Mais, présentement, je pense pas qu'il y a tant de gestes vicieux que ça. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, on a réglé nos cas sur la glace. On a réglé les problèmes sur la glace à la bonne vieille manière. Et c'est correct. C'est correct. Par contre, moi, j'ai bien aimé Pouliot, Price, que lorsque le joueur est à terre, c'est terminé. On arrête de frapper l'adversaire. On a on a d'autres réactions envers d'autres joueurs Les Islanders. Du côté des Pingouins et des Islanders, je veux dire, on savait que ça allait arriver. Là. C'était pas plus compliqué que ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que les Islanders, et personne n'en parle, mais les Islanders ont planté les Pittsburgh 9-3. Là. 9-3. Donc, 9-3. Une belle dégelée. Là. Et probablement que c'est une des choses que Mario Lemieux n'a pas dû aimer beaucoup. Là. De voir son équipe en manger une comme ça, puis après ça, essayer de sauver la face, comme je disais, en disant « Ouais, mais gars, nos joueurs se font brasser, c'est pas correct. » Et Non, gars, c'est ça le hockey. Ça a tout été comme ça. Faut pas que ça tombe dans les gestes disgracieux. Oui, il y en a eu quelques-uns. Je pense que Ailey qui part et qui va chercher Brent Johnson. Ouais. On a vu mieux. En même temps... Ça aurait peut-être été un job à... j'ai un blanc, le gardien de but. J'ai juste Niskanen dans la tête, mais Niskanen, c'est absolument pas lui. Là. Niskanen qui évolue avec... Qui s'était battu contre Sidney Crosby cette année, là, Niskanen du côté de Dallas. Mais normalement, ça aurait été son travail à lui de patiner jusqu'au bout de la patinoire et d'aller chercher le gardien, mais... Pas tout le monde, là, je veux dire, de la façon que dit Pietro, mais on avait cherché le trouble, comme je disais tantôt, là, du côté des Pingouins. Lorsque Di Pietro avait été blessé par Johnson, on riait, là, quand Di Pietro tournait au banc, on riait de la condition de Di Pietro et on n'a vraiment pas apprécié ça. Et du côté des Islanders, ça devait être l'attitude qu'on devrait adopter d'ici la fin de la saison, c'est-à-dire une attitude de joueur tough, trouble fight, parce que on fera pas une série, là. On se fera pas d'histoire, là, du côté des Islanders. On fera pas une série. Donc, aussi bien trouver du plaisir à jouer les emmerdeurs jusqu'à la fin du calendrier. En plein ça. T'as-tu le nom du. Non, t'as pas trouvé, là. Islanders.com, ça te tentait pas, là. Non. Donc, c'est ça. Puis, du côté de la Ligue nationale de hockey, on devrait, par contre, sévir si les gestes sont trop vicieux. Par contre, je pense pas qu'il y avait de gestes vicieux. Je veux dire, on a vu bien pire que ça dans les dernières années au niveau de la Ligue nationale. Donc, on va aller à une pause. Au retour, JP Grenier joue à nous. On va parler basketball collégial. On va probablement parler NASCAR aussi en fin d'émission, là, si on a le temps. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou. Aux oreilles. 89. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduitedeparti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHGMQ, les Cataractes de Shawinigan ont tenu le coup hier pour finalement vaincre les Tigres de Victoriaville par la marque de 4-3. Rayon Cavanagh a été le meilleur pointeur du duel avec une récolte de 3 aides et il a obtenu la première étoile. Gabriel Girard a pour sa part effectué 38 arrêts. À Saint-Jean, maintenant, les Sea Dogs sont revenus d'un déficit de 2-0 face aux Wildcats de Moncton pour finalement l'emporter en fusillade 3-2. C'est une 11e victoire consécutive pour Saint-Jean. C'est tout le contraire du côté d'Halifax, alors que les Voltigeurs de Drummondville ont réussi une poussée de 5 buts consécutifs pour triompher 5-3 et infliger une 5e revers de suite aux Moussèdes. Les Voltigeurs, pour leur part, obtiennent une 3e victoire de suite. Dans la Ligue nationale, maintenant, les Rangers de New York pouvaient mettre fin à une série de 6 défaites en accueillant les Pingouins. La partie s'est terminée en faveur des Rangers par un pointage de 5-3. L'équipe de Mario Lemieux quitte donc New York sur une note négative, eux qui avaient subi la défaite 9-3 contre les Islanders vendredi soir. À Détroit, les Red Wings viennent aider la course du tricolore en stoppant les Bruins pour une deuxième fois de suite par la marque de 4-2. Avec cette défaite, les Bruins n'ont pas réussi à s'éloigner du Canadien, eux qui ont seulement un point d'avance au classement sur Montréal avec 69. À Edmonton, maintenant, Jonas Hiller s'est moqué des Oilers en réalisant un jeu blanc, ce qui a permis aux Ducks de vaincre Edmonton 4-0. Hiller a seulement eu à bloquer les 12 rondelles dirigées vers lui pour obtenir son 5e jeu blanc de la saison. Au tennis, maintenant, Milos Raonic a remporté son premier tournoi de l'ATP. Il a triomphé en deux manches de 7-6 face au 9e joueur joueur mondial Fernando Verdasco à l'Omnium de San José. Cette victoire lui permettra de faire un saut du 84e rang au mondial jusqu'au 59e rang. Au soccer maintenant, selon un quotidien brésilien, Ronaldo annoncerait sa retraite aujourd'hui. L'agent de Ronaldo, Fabiano Farah, a refusé de confirmer ou d'infirmer cette information, mais a confié à un média local que c'était une possibilité. Il y aura une conférence de presse cet après-midi pour commenter la nouvelle. Et finalement, au sport universel, les Patriots Soccer étaient en action hier contre le Rouge et Or de l'Université Laval. Ce fut une victoire pour les gars qui ont fait taire l'attaque du Rouge et Or en les blanchissant 2-0. C'est la première défaite en 5 parties pour Laval. Du côté des filles, l'UQTR n'ont pas réussi à revenir de l'arrière face à Laval qui avait l'avance 4-1 en première demi. Les Patriots sont revenus en force en deuxième demi avec 2 buts, mais la partie s'est finalement soldée par un pointage de 4-3. Les deux équipes iront affronter les Stingers de Concordia en fin de semaine prochaine. Voilà, c'était nos informations de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. We call the heartland, not very smart land. IQs are very low, but threat levels are high. They got a mandate, they don't want mandates. They got so many hates of people to despise. In the dust bowl, cerebral black hole. The average weight is well over 200 pounds. I hate to generalize, but have you seen the thighs? Most haven't seen their genitalia in a while. FX avec la chanson Leaving Jesus Land. Il se joint à nous en direct de Sherbrooke, M. JP Grenier. Ça va bien, JP? Ça va bien, vous autres? Ben oui. Good. JP, pratique de rugby ce matin? Ben oui, 6h, là, tous les lundis matin. Donc, c'est pour ça que je suis très réveillé là, à cette heure, les lundis matin. Donc, ça fait déjà quelques heures, moi, que je suis debout. Puis, écoute, j'ai pas le choix. Pas le choix. Ça fait partie des sacrifices. C'est ça, un athlète. La météo avait l'air de quoi, Sherbrooke? Ben, on nous annonçait des tempêtes, puis finalement, on n'a rien eu. Ah. Ça fait bien mon affaire. Ouais, tu te plaindras pas là-dessus. Ouais, exact. Nous autres, on ne donne pas payé. Là, écoute, là, je vais y aller avec la météo, là, alors qu'il est 10h33 présentement là, du côté de Trois-Rivières, du côté de Sherbrooke aussi, là, pour l'heure. J'espère. Ça reste pas mal la même chose. Alors, cet après-midi, on annonce de la neige près de 5 cm, une température de moins 2. Ce soir, moins 7, alors que vous allez sortir vos copines au restaurant ou vos copains, mesdames, qui sont à l'écoute. Moins 7, par contre, il devrait presque plus avoir de neige. Demain, moins 19, ça va être frisquet, mais par contre, ensoleillé, tout comme ça, c'est mardi matin. Et mercredi, nuageux, quelques flocons, on annonce près de 1 cm, rien de trop dangereux, mercredi. Donc, JP? Oui. Basketball collégial, on n'en a pas parlé à date cette année. Ben non, parce qu'il y avait le football, puis là, tranquillement, pas vite, ça s'en vient là, pour le mois de mars, voir le March Madness. Oui. Mais en même temps, il y a la saison qui doit se finir, donc on a quelques duels intéressants toutes les fins de semaine. Le niveau de basketball collégial qui représente, selon moi, le plus fun à avoir joué, là, qui existe, c'est tous les samedis après-midi sur les zones de CBS aux États-Unis. Donc, c'est facile à suivre, c'est oui, le fun. C'est les matchs sont pas trop longs, puis on a beaucoup d'équipes, ça fait que les gens sont pas obligés de s'attacher aux mêmes 3-4 équipes qu'on nous montre tout le temps à la télé, là, donc... Non, c'est ça. Cette année, j'ai décidé de faire ça un peu plus tôt pour un peu peut-être que les gens connaissent un peu plus les équipes que d'arriver à mi-mars puis finalement présenter ça. Là, d'autant plus que cette année, on n'a pas les Olympiques. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en parler? Ben, donc, de toute façon, avec la polyvalence que je te connais... Exactement. Moi, ça me dérange pas d'en parler. Ouais, donc, j'aurais voulu parler de curling, mais je pense pas que ça intéresse tout le monde. Là, donc, non, puis peut-être finir avec le NASCAR, là, le Daytona 500 là, qui s'en c'est... vient. Écoute, vas-y avec le basket, puis on regardera pour le NASCAR selon le, si le, nous reste le temps restant. Oui, exactement. Ouais. Donc, le collège de basketball, dans le fond, c'est 300 équipes qui s'affrontent, pas tous ensemble, là, sauf qu'on a environ une quinzaine là, de divisions à travers le pays. T'as la division 1, t'as la division 2 puis la division 3. Nous, bien sûr, on va regarder la division 1 avec toutes les équipes principales. Écoute, y a des surprises à chaque année, puis dans le fond, toutes les équipes se battent pour se rendre au championnat ultime, c'est-à-dire le March Madness, qui est le tournoi représentant les 32 meilleures équipes, si je me trompe pas. Les 64 meilleures équipes. C'est 64, excuse-moi. Ouais, c'est ça, donc, même 65, même qu'on pourrait dire. Exactement. Ben, donc, la façon que ça marche, c'est que on a les premiers de chaque conférence. Ce qui fait que certaines équipes qui sont pas de taille vont réussir. Écoute, je prends une équipe que j'adore et que j'aime suivre à chaque année, l'Université du Vermont. Ben exactement, je voulais t'en parler, là. Je voulais te faire un petit clin d'œil, là. Vermont, ils sont dans l'America East présentement. Ils sont premiers avec une fiche de 12-2. Sauf que c'est sûr que oui, exactement. Donc c'est sûr qu'eux représentent une école beaucoup moins grande là, que par exemple, je prends comme exemple Ohio State qui ont présentement une fiche de 15-1. Dans le Big Ten en plus. Là, c'est exactement. Pas donc, c'est des écoles différentes, sauf qu'ils vont peut-être jouer l'un contre l'autre. Donc, c'est ça la beauté du sport. Du basket, contrairement au football, là, où que les petites écoles ont beaucoup moins de chances, beaucoup moins d'argent de se faire un nom dans le monde du basket. Donc, écoute, la façon que ça marche, c'est que chaque premier de la conférence passe. Puis ben, après... JP, je tiens à dire, par contre, il y a, comme dans l'America East, il y a un tournoi. Donc, la saison te permet de te classer pour le tournoi. Et ensuite, le gagnant du tournoi, c'est-à-dire, mettons, Vermont perd en finale contre l'équipe qui est classée sixième dans sa propre conférence. C'est l'équipe qui est classée sixième qui va aller au March Madness. Parfait, merci. Et puis ensuite, il y a un comité qui est organisé. Habituellement, c'est le dimanche précédent le tournoi. Là, c'est vraiment médiatisé aux États-Unis. On va choisir les équipes qui méritent le plus d'être là, pas nécessairement par leur fiche, mais par leur jeu en général, la difficulté de leur horaire, les joueurs en place. Donc, vraiment, là, c'est quelque chose qui est médiatisé aux États-Unis. Puis, j'ai hâte de voir ça pour le mois de mars. Sinon, on a plusieurs activités entre-temps. Chaque semaine, on a des surprises. Puis, il y en a eu une grosse, en fait, cette semaine, Ohio State. Qui avait une fiche de 24 victoires, aucune défaite là, depuis le début de la saison, qui était clairement la meilleure équipe au pays. Ça, sont fait surprendre par Wisconsin. Ce que je trouve intéressant, c'est que Wisconsin, c'est la même équipe qui avait surpris les Buckeyes d'Ohio State au football, eux qui étaient numéro un au pays plus tôt cet automne. Donc, c'est un beau clin d'œil à faire. Là, les Badgers de Wisconsin qui jouent les troubles à fête un peu avec Ohio State depuis le début de l'année dans plusieurs sports. Donc, c'est intéressant à ce niveau-là. Sinon, je vais vous sortir les top 5 qu'on nous avait prédit au début de l'année là, selon Sports Illustrated. Je suis abonné à la revue, puis on avait un prévu de la saison. Là. J'ai pas mes Lindy Sports, mes Atlin, là, malheureusement, dans le basket. Je les ai pas achetés, mais j'avais Sports Illustrated quand même qui était intéressant. Okay. Dans le fond, là, le Final Four qu'on nous prédisait, c'était Duke, Michigan State, Kansas State, Villanova et Pittsburgh. Ils représentent tous des gros programmes. Ils sont là année après année. Puis finalement, de ce que ça a l'air présentement, là, on a Ohio State, Kansas, Texas, qui sont une surprise cette année, Pittsburgh et Duke. Donc, à date, là, Sports Illustrated se sont trompés pour 3 équipes sur 5. Puis, l'équipe qu'on mettait première, à date, sont 5e là, dans le dans le classement général. Donc, ça a encore le temps de changer, sauf que c'est là qu'on voit qu'il y a tellement de parité dans le sport avec tellement d'équipes en plus que, non, c'est très intéressant. Puis, tu sais, on a des équipes, là, qu'on n'est pas habitué de voir, San Diego State, Georgetown, qui n'ont pas de programme de football, par exemple, eux autres. Mais qui ont été une puissance pendant longtemps, là, on se souvient. Exactement, avec Allen Iverson, des gars comme David Robinson. Patrick Ewing, exactement. Donc, les Hoyas, là, qui n'a pas eu un chandail ou un manteau de ça quand c'est on était ça, jeune? On savait pas c'était quoi, mais on avait un chandail des Hoyas ou... Puis, pourquoi c'était pas les Bulldogs, on ne savait pas, les Hoyas, que c'est ça. Ouais. Ben. Georgetown, on cherchait la ville sur la map monde, on la trouvait pas. Exactement, l'Université de Washington, D.C., là, donc, non, c'est ça qui est intéressant, parce que le basket, dans le fond, ça prend beaucoup moins de fonds, beaucoup moins d'argent qu'au football avec l'équipement, le stade, donc... Pourquoi il y a eu ce mode-là au Québec? On portait des équipements de... pas des équipements, mais des vêtements de basketball et de football collégial américain, alors qu'on connaissait absolument rien. J'avais un chandail de Notre Dame, je connaissais absolument pas. Il y avait à peu près 5-6 équipes, là. Ce que je me souviens, là. Ouais. Il y avait Georgetown, il y avait Michigan Wolverine. Il y avait Miami. T'avais Notre Dame, bien évidemment. Puis, c'était pas mal les équipes, ouais, là. Ça, et la fameuse mode des Hornets de Charlotte, que j'appelais les Charlotte d'Hornets, parce que je ne savais pas que Hornets en anglais c'était une abeille et Charlotte c'était une ville. Donc, Il y avait ça, les Grizzlies de Vancouver. Tu sais, dans le temps, c'est parce que la NBA c'est gros une mode. Là. De quelques années, tu vois, regarde, dans ce temps-là, c'était gros le turquoise qui était à la mode. Là, quelques années, on est revenu avec le un peu plus bleu. Je sais pas comment dire ça vraiment, cette couleur-là, là, la couleur du Thunder de Oklahoma City, les Grizzlies de Memphis. Un bleu bébé, un peu, là, un bleu poudre, un petit peu. Exactement, donc, c'est une question de mode, la NBA, puis dans les années 90, le turquoise, ma foi. Ben, gars, les Sharks de San Jose. Ben, il était très beau, par exemple, ce manteau-là, oh, ouais. Là, pareil. On avait les Bulls, mais ouais. Les Bulls, quelle équipe, une vraie dynastie. Ah ouais, là. Les Bulls aussi, qui étaient très à la mode. Mais c'est ça, au moins, on connaissait les Bulls, mais les équipes de basketball collégial, qui connaissait ça? Pourquoi j'avais un chandail des Hoyas, alors que acheté dans un... J'imagine, là, ça devait être... Chez Mode au coton. Écoute, toi et moi, on va connaître JVS. Je ne sais pas s'il y avait des JVS dans les coins ici à Trois-Rivières, mais nous, à Saint-Hyacinthe, on avait le fameux JVS. Avec les Raiders d'Oakland. Oui. Là, c'était la mode de l'époque. Là. C'est plate, c'est pas resté. Ah ouais, c'est ça. C'est comme un peu chez Petro-Canada, là, les verts avec les palmiers. On l'avait tous. Là. Mais ça me fait penser, en parlant de Texas, Nicolas, rapidement, là, on a appris ça la semaine passée. L'Université de Texas qui va avoir son propre réseau 24 heures sur 24. Texas? 7 jours sur 7, exactement. Ouais. Grâce aussi à ESPN là, qui leur fournissent un réseau. Ça prouve à quel point là, l'Université a du poids politiquement puis médiatiquement. Juste pour rappeler au monde que Texas, c'est l'État le plus populeux aux États-Unis. L'université qui est, en tout cas, une des plus grosses, là, donc... Everything's bigger in Texas. Exactement, donc... L'expression dit. Eux qui ont un réseau, là, est-ce qu'on verrait le réseau Laval-Rougeau au Québec? Ouais, c'est... Sur Internet, peut-être, tu pourrais écouter, mais on est tellement loin de ça, là. On est loin, loin, loin de ça au Québec, puis ça, même, je pense que ça donne rien de comparer là, là-dessus, là. C'est à des mères de différence, mais vraiment, de voir, et quoi, j'imagine qu'ils vont passer des vieux matchs et des entrevues et des... Il va y avoir comme un peu notre émission ici qui serait sur les ondes, là, un peu comme ils font à Sportsnet, de montrer une émission de radio, mais wow! Ils vont permettre aux jeunes de connaître des sports qui sont un peu moins connus aussi, puis ouais. L'université pratique. Là. Les chiffres n'ont pas été dévoilés, sauf que je sais qu'ESPN hésitait entre peut-être USC puis l'Université de Texas. L'Université de Texas était clairement rejetée à joindre le Pac-10, qui est la conférence de USC, dans le fond, parce que le Pac-10 avait son propre réseau, lui. Donc, Texas, vu que le Big 12, dans le fond, en avait pas, ils se sont dit, on va avoir notre propre réseau. Donc, pourquoi pas rester là pour faire encore plus d'argent. Donc, déjà qu'il en manquait beaucoup, là, avec beaucoup de visibilité partout. C'est beau, hein, les Américains? C'est le fun. Il y en a qui est critique, mais ils ont le sens des affaires. Donc, pourquoi aller avec une petite pause musicale, mon Nicolas? Ouais, bon, on va aller une pause, donc, mais peut-être juste me résumer là, les meilleures équipes présentement là, du côté du basketball. Ben, présentement, on a Ohio State qui est l'équipe à surveiller. On leur prédisait, même il n'y a pas longtemps, peut-être une saison parfaite. Malheureusement, ils ont perdu en fin de semaine. Ils ont quand même 24 victoires et une défaite, pas mauvais. T'as Kansas, qui est un programme très fort au basketball, là, avec beaucoup de produits de la NBA qui s'en vont là après. T'as l'Université du Texas. T'as Pittsburgh, et puis finalement, numéro 5, t'as les Duke Blue Devils qui ont gagné le championnat national l'an passé. Ben, c'est bon. On va aller une petite pause musicale et au retour, on y va avec NASCAR. Oui. Tu nous parles de l'expérience Daytona. Oui. C'est bon. Vous êtes à l'écoute de Les Conduites de Partie sur C'est Fou. Ben, me dire ce que vous faites là. Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Les Cowboys fringants avec la chanson Ah oui, Ketchikachika, hein? JP? Oui. La folie NASCAR a commencé cette fin de semaine avec les qualifications pour le Daytona 500 et le Bud Shootout, je pense qu'on appelle. Là. Exactement. Donc, le NASCAR, qui est un sport très populaire aux États-Unis. Mais de plus en plus au Canada, okay. Exactement. Surtout qu'on a l'épreuve maintenant au mois d'août, le NAPA 200, qui est pas la Coupe Sprint, sauf qui est quand même la deuxième où quelques-uns des meilleurs chauffeurs, un des meilleurs pilotes, là, se rendent à Montréal pour l'événement. Donc, non, ça gagne en popularité au Québec. Puis, moi, ça me fait plaisir parce que je préfère ça à la F1. Puis, j'ai toujours bien aimé le NASCAR là, depuis que je suis tout jeune. Donc, je suis content de voir, dans le fond, là, une montée de popularité pour le sport qu'est le NASCAR. Puis, cette semaine, je voulais vous en parler parce que moi, il y a 2 ans, j'étais allé à Daytona. T'as vécu l'expérience Daytona, là? J'ai pas vécu l'expérience Daytona parce que moi, j'étais allé durant le Bike Week. C'est environ un mois plus tard. OK. Sauf que j'ai pu aller voir les installations vu que c'était ouvert au public. Puis, on pouvait même aller courser sur la piste, là, pour ceux qui voulaient débourser quelque chose comme 100$ avec leur moto, là. Donc, moi, malheureusement, j'ai pas de moto, puis ça, j'aurais pas eu le guts d'aller là. Donc, écoute, j'ai pu voir les installations, comment que c'est fait, tout. Puis la frénésie est là à l'année à Daytona. Daytona Beach, qui est une ville de la Floride, dans le fond, du nord de la Floride, à quelques minutes, là, je dirais peut-être une heure de Jacksonville seulement. Donc, pour ceux qui sont jamais là, là allez là, qui sont des fans de course, là, je vous le suggère au moins une fois dans votre vie. C'est incroyable. Et les premières courses à Daytona se déroulaient pas où est-ce que ça se déroule présentement. C'était une moitié de piste. C'était un grand ovale, mais avec des petits... Bon, rien à voir avec ce que ça a l'air présentement. La moitié sur l'asphalte et l'autre moitié sur la plage. Là. On coursait sur mettons, le boulevard qui longe la plage. On prenait une courbe et on entrait sur la plage. On courait sur le sable, la terre battue. Là, on parle des années 50, là, bien sûr. Là. Donc, ça a beaucoup changé et, écoute, tu nous parlais du Budweiser Shootout, ou du moins je parlais du Budweiser Shootout. C'est Kurt Busch plutôt qui l'a remporté cette fin de semaine. Budweiser Shootout qui est un peu comme une course d'exhibition pour allumer tout le monde un petit peu avant qu'on y aille avec les qualifications. Pour les sponsors, c'est un surplus là. Exactement. Puis ça permet aussi aux pilotes et aux équipes de voir où est-ce que leur voiture en est, faire les derniers ajustements avant que ça débute. Puis, la frénésie est impressionnante. Puis moi, j'étais surpris parce que je pensais jamais pouvoir aller dans le pit, si on veut, là, dans le milieu de la piste de course. Tu passes dans un tunnel. Il y a des photos, là, des peintures de chaque grand pilote automobile qui ont coursé là, qui en ont gagné ou des légendes. Puis, là, tu rentres dans le pit. Puis, dans le fond, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de motorisés. T'as beaucoup de tentes de chaque écurie, puis il y a un lac là-dedans. Ouais. Puis c'est quasiment là, gros comme un village au complet. À vrai dire, JP, tu sais pourquoi il y a un lac au milieu de la piste de Daytona? Ben, ça doit être un peu à cause de la géographie des... Non, la vraie raison, je ne sais pas. Là. Absolument pas raison, rien à voir. On a utilisé la terre qu'on a creusé du lac pour faire les courbes. Okay. Les courbes qui ont, je pense, si je me trompe pas, 34 degrés d'inclinaison. Pour vous donner une idée, là, c'est extrêmement difficile de se tenir debout. C'est à peu près impossible de se tenir debout dans ces courbes-là. On doit se mettre en angle pour essayer de suivre. Et on a utilisé... Donc, pourquoi il y a un lac? C'est qu'on a creusé la terre là. On a utilisé ça pour faire l'angle. Et d'ailleurs, on a repavé la piste au complet cette fin de semaine. Après la saison, la dernière saison, après la dernière course, on a repavé la piste au complet. Et on se retrouve avec une piste qui est à peu près... on disait ça, là, beaucoup trop rapide là, présentement. Là. On a atteint des vitesses. Là. On veut, du côté de NASCAR, ne pas dépasser les 200 000 à l'heure de moyenne. Lors du Bud Shootout, de Budweiser Shootout, de la course en fin de semaine, on a atteint 206, ce qui est trop vite un peu là, pour les... pour les voitures. Pas pour les voitures, mais pour les décideurs de NASCAR au niveau sécurité. On sait qu'environ, en moyenne, dans une piste, une speedway, là, les plus grosses, en moyenne, c'est 187 000 à l'heure de moyenne, puis là on atteint 200, donc c'est assez incroyable. C'est un peu trop, et là on va demander là, du côté de toutes les équipes de toutes les écuries de venir réduire certaines choses là, au niveau de la pression de leur moteur pour descendre les vitesses de quelque peu. Au moins, et c'est ça qui est le fun avec NASCAR, c'est que quand on décide quelque chose, on le fait pour toutes les équipes. Oui, il y a toujours moyen de contourner les règlements. Je peux te dire que j'en ai entendu parler de la tricherie. Il y en a un peu partout dans le NASCAR. C'est tant que tu te fais pas pogner, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est ça, mais on va réduire les vitesses. Et là, durant les... Il y avait des qualifications qui se déroulaient, si je me trompe pas, c'est hier. Et c'est nul autre que Dale Earnhardt Jr. qui l'a emporté, qui va partir en première position. Et ça, 10 ans, presque jour pour jour, depuis la mort de son père, Dale Earnhardt Sr. Dale, qui était un de mes préférés, puis c'est encore mes préférés, là, une vraie légende. Dans le fond, il est mort, là, dans le fond, au Daytona 500 2001, au dernier tour. Dernier tour, dans la dernière courbe, là, donc c'est assez dramatique. Ben, on se souvient, il avait été, dans le fond, il était en position pour l'emporter, il avait été tamponné de derrière, mais son véhicule a fait un 90 degrés, si on peut dire. Mais là, ce qui arrivait, c'est que la pédale était au fond, donc le véhicule s'est remis à accélérer. C'est sûr que ça se passe tout rapidement. Ça, il est venu entrer face à face, si on veut, avec le mur de protection au haut de la piste. Et du côté de Earnhardt, on n'a eu aucune chance. On est décédé sur le coup. Et ironiquement, c'est son fils qui l'a emporté cette journée-là du côté de Daytona. Victoire qui avait été assombrie, là, bien sûr, là, par la mort de son père. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a instauré plusieurs... Parce que oui, il y a eu plusieurs morts en NASCAR, mais tant que c'est pas une légende qui meurt, c'est donc moins pire. Et là, à la mort de Earnhardt, on a vu apparaître le Hans Device, là, la protection Hans, qui va venir retenir le cou et la tête après le corps. Parce que c'est ce qui est arrivé avec Earnhardt, c'est qu'on a au choc, on a le cou a trop avancé, fracture du cou, et bien sûr, ça laisse peu de chance. On a vu apparaître aussi les Safer Barriers, les barrières plus sécuritaires, là, que c'est un peu de la... C'est comme du métal, mais il y a un amortisseur en arrière qui fait que les voitures tapent beaucoup moins fort. Et ça a probablement sauvé quelques carrières, là, peut-être quelques vies là, depuis que ça a été instauré. Exactement. Puis moi, ce qui m'a surpris le plus, c'est de la façon que tu peux aller sur la piste, te promener pour 100$. Le Daytona, la piste, c'est un peu comme le Yankee Stadium. Là. C'est quelqu'un qui c'est son rêve, là, pour 100$, c'est très accessible. Puis je pense que t'as le droit comme à 20, 25, 30 minutes là de « Ouais, vas-y mon homme », puis tu sais, c'est des motos dans le fond, là, des racers, là, donc ça peut aussi atteindre des vitesses quand même incroyables, là. Les gars, faut quand même qu'il y ait du gars des couilles pour faire ça, parce que comme je l'ai dit, c'est pas moi, là, en bicycle, j'ai de la misère à aller plus qu'à 30, là, donc... Moi, il y a longtemps là que j'ai compris que la moto, c'était pas pour moi, Ça va se finir court pour ma vie là, si j'embarque sur une moto. Je suis très au courant de ça. Exactement. Peut-être en finissant, Nicolas, il y a un pilote que tu aimerais voir remporter. Ben, moi, j'ai toujours été un gros fan de Tony Stewart. Même chose pour moi. Ben, c'est ça. Tony Stewart là, qui est pas le type de pilote à se laisser emporter. Mais il y a des pilotes là, qui arrivent. Joey Logano qui est intéressant. Jeune, un peu un prospect. Sinon, écoute, par où commencer, hein? Des pilotes, il y en a dans la série Sprint Cup. Même j'aimerais bien voir un Québécois. Oui, il y en a eu quelques-uns, là, mais tu sais, Carpentier ou Rangier obtenaient quelques postes. Du côté de Rangier, on est encore dans la même série qu'on l'était l'an dernier. C'est-à-dire la série K&N East, qui est un peu comme en termes de hockey, la East Coast Hockey League du NASCAR. Là, on sait que la Nationwide a fait quelques courses en Nationwide aussi. La Nationwide, qui est la Ligue américaine, et bien sûr la Sprint Cup, la principale. Et même cette année, là, on dit que on veut vraiment faire une scission entre les deux séries. Et ce qui fait que les pilotes qui vont courser en Sprint Cup, leurs points ne seront pas valides pour les courses. C'est-à-dire que si on remporte une course, ils ne peuvent pas participer au championnat de Nationwide, peuvent participer aux courses, mais leurs points ne comptent pas. Ce que je trouve dommage, parce que ça attirait des pilotes et ça faisait vendre des courses. Regarde à Montréal, là, Carl Edwards s'amener à Montréal, là, c'était tout un gros plus. Et il sera pas là. S'il va être là, ça comptera pas. Pareil pour Marcus Ambrose. Donc ça, c'est un peu dommage, mais c'est la route qu'on va emprunter du côté de NASCAR. Donc, je te remercie beaucoup, JP. Pas de trouble. Passe une belle journée. Merci, bonne semaine. Bonne semaine, toi aussi. Là. Merci. Donc, c'est ce qui conclut l'inconduite de partie pour aujourd'hui. On se sent en musique avec Dumas la Jube, la chanson Le jus de citron. Et, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Et bonne Saint-Valentin. Ouais, bonne Saint-Valentin. N'hésitez pas à nous suivre, là, inconduitedepartie.com. Écrivez-nous. On aime ça vous lire aux commentaires. Bonne journée. N'oubliez pas, là, si vous n'avez pas acheté votre cadeau, c'est le temps encore. Savoir pourquoi ta tête est pleine de sang.